Pris sur le vif. Écoutez. Allô? Le 594-38-42? Le poste numéro 73, s'il vous plaît. Pouvez-vous patienter un instant? C'est occupé. Allô? Ne quittez pas, je vais vous passer le poste 73. Merci. Je voudrais parler à monsieur Benoît. C'est de la part de qui? C'est personnel. Je suis désolée, mais monsieur Benoît est en réunion. Pourriez-vous avoir la gentillesse de lui dire de rappeler dès que possible monsieur Jantet? Mais bien sûr, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Répétez. Allô? Le 594-38-42? Le poste numéro 73, s'il vous plaît. Pouvez-vous patienter un instant? C'est occupé. Allô? Ne quittez pas, je vais vous passer le poste 73. Merci. Je voudrais parler à monsieur Benoît. C'est de la part de qui? C'est personnel. Je suis désolée, mais monsieur Benoît est en réunion. Pourriez-vous avoir la gentillesse de lui dire de rappeler dès que possible monsieur Jantet? Mais bien sûr, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Écoutez. Bonjour, madame. Qu'y a-t-il pour votre service? Nous allons construire une maison. Je voudrais savoir à quel taux vous me feriez un prêt. Cela dépend de la somme que vous voulez emprunter. Si vous voulez, nous pouvons vous envoyer quelqu'un qui vous présenterait les différentes formules de prêt. Volontiers. Quel jour préféreriez-vous? Un jour où mon mari est à la maison. Le mardi matin ou le vendredi après-midi. Répétez. Bonjour, madame. Qu'y a-t-il pour votre service? Nous allons construire une maison. Je voudrais savoir à quel taux vous me feriez un prêt. Cela dépend de la somme que vous voulez emprunter. Si vous voulez, nous pouvons vous envoyer quelqu'un qui vous présenterait les différentes formules de prêt. Volontiers. Quel jour préféreriez-vous? Un jour où mon mari est à la maison, le mardi matin ou le vendredi après-midi. Écoutez. Je voudrais louer une place dans le Paris-Marseille de 7h15, le mardi 13 janvier. Avez-vous votre billet? Non. Il faudrait aller le prendre. Après seulement, je pourrais faire votre réservation. Répétez. Je voudrais louer une place dans le Paris-Marseille de 7h15, le mardi 13 janvier. Avez-vous votre billet? Non. Il faudrait aller le prendre. Après seulement, je pourrais faire votre réservation.